Bonsoir, Radioactive, le grand retour après un déménagement long, compliqué, mais qui nous amène de grands et beaux nouveaux locaux. Donc nous sommes bien le 11 novembre, jour de la fête de l'armistice de la Première Guerre mondiale, que plus personne ne connaît dorénavant, et vous êtes avec votre émission. Je ne dirais pas favorite parce que ça serait prétentieux, mais peut-être une émission que vous appréciez si en tout cas vous êtes toujours à cette heure-ci devant votre poste. Donc c'est bien Lost in Space, saison 3, épisode 9, et aujourd'hui un Lost in Space très très calme, c'est-à-dire que nous allons rester dans des vagues ambiantes de la musique très calme qui va correspondre à la période, on va dire, au calme plat du dimanche soir, après un peu de pluie. Donc, 2 heures ensemble. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver la playlist sur le site de Radioactive, radio-active.net, rubrique Lost in Space. Bienvenue, embarquez, c'est parti pour 2 heures. Thank you. vous demandons de ne pas permettre à ce que ce projet puisse voir le jour en France. D'autant que la recherche génétique dans le sens voulu par les sociétés secrètes et que semble vouloir planifier M. Hollande n'ont aucun fondement scientifique. non seulement vous constatez que la boîte de sardines est ouverte, que vous avez roulé une cigarette, mais en plus, le couvercle enroulé devient un élégant fume-cigarette. Et votre état d'esprit en sortant d'ici, comme celui de M. Néré, serein. Michel Néré a été questionné sur ses relations avec deux hommes réputés proches du grand banditisme. Thank you. et j'ai été élu pour défendre l'identité nationale. Est-ce que c'était une erreur professionnelle ? Elle ne lui est pas imputable. Elle est imputable à la pratique désastreuse du copier-coller qui envahit tout. Et le type qui a fait ça s'est fait engueuler ? Un peu. Viré ? Non, pas engueulé. Pas viré, pas tout de suite. Thank you.

Thank you. à toute vitesse. Les belles choses que nous allons pouvoir faire maintenant, Jacques Vacher. Et l'on fit une revue, la revue C, qui allait devenir une usine à texte, où l'on apprit à écrire ou m'écrire ou désécrire, le temps de l'antipoésie. Chance, devoir écrire pour chaque parution trimestrielle. L'Europe était au bord du gouffre, à présent elle est dans le trou. Amusant de relire ces cris du printemps, de l'impossible printemps européen. Je me souviens, un soir de Toulouse 76, je lance l'idée d'une revue, d'une action collective en vue d'une usine à texte. Trouver d'abord un titre, d'un bégaiement l'autre, à bout de sifflement tombe C. Ici, tout de suite, c'est du suffixe grec kaios qui donne gynécée, androcée, guerre sexuelle, sédition, sécession, séédition. Ce sera la revue C, jeu de mots sur la communauté économique européenne, tout aussi velléitaire que USA, ici c'est-à-dire nulle part. Constitue un combo d'écrit, comme à l'époque se dessinent des combos punk, et c'est le premier numéro C1. Naturellement intitulé Intro. Nous ne sommes pas revenus de la commotion du silence qui est survenue 2 ans plus tôt, lors de la publication du premier volume des œuvres de Stanislas Rodansky, La victoire à l'ombre des ailes, Le soleil noir, 1975. Nous décidons l'été 77 de sortir pour novembre un spécial Rodansky, 2/3. La rencontre du peintre Jack Herold accélère le processus. Le grand ami de Stan Lelio nous confie ses dessins puis des inédits de Rodansky pour chaque numéro à venir. La même année, sur la route de Genève, je fais halte à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon pour tenter de rencontrer Stanislas Rodansky. Ce dernier restera invisible, venant d'être interné pour raison médicale. Une sorte de suicide aux boissons gazeuses, me dira Bernard Cadou, son instructeur du dehors. Légende psychiatrique, l'individu fréquentatif Rodansky est là depuis 1954. Son ami Alain Jouffroy et J.C. Bailly répondent à l'emmuré de Lyon. Les abonnés affluent, le numéro 4/5 est en chantier. À Londres, il y a les Sex Pistols, à Berlin, les derniers clash de la fraction Armée Rouge. La France divague et se crispe déjà. Opaque City, où s'arrête le réel? Ce sera le numéro des œuvres et guérilla. Claude Pellieu telex depuis Cherry Valley et Cooperstown, USA, par un contre-script à mon texte de la destruction pure, écrit comme un manifeste pour un gang de noise and roll, besoin d'occuper le terrain des mots imprécatoires. The hell did I get here? Would you change your last name to mine? Would you change your last name to mine? I think my kids would mind. Waving planes and burning phone books to a tune that was famous the year I was born. Do not leave me dancing alone. Do not leave me dancing alone. Pick up the phone and call me lover. Pick up the phone, call me lover. Voilà, on tu est, as même écrit un ouvrage sur lui. J'ai écrit un ouvrage sur sa musique. Sur sa musique. Que j'ai intitulé « La musique concrète de Michel Chion ». D'accord. Justement, en prenant ce mot, enfin cette dénomination d'une musique que je pratique, et que lui pratique aussi, mais en gardant bien, et d'ailleurs en suivant Michel Chion lui-même, hein, qui lui a toujours été attaché à l'idée de nommer la musique concrète, à la suite des expériences des années 40 et 50. coordinates. It's Thank you. Mmh.